concernant ma chienne de rap. Yeah, yeah. Ma putain de chienne de rap. Elle m'a fait tellement de gosses dans le dos que je suis plus bossu quasimodo, quasi clodo. Elle m'a mis à la rue comme on met le tamien dans le bédo, coincé contre le papier. Et la flamme qu'elle m'inspire, si je comptais tout ce qu'elle a vrillé, au creux de mon âme, je serais déjà à l'hospice. Ado en mal d'excitation, en quête d'explication. La rage de ses récitations m'a refilé ton passion. Il suffit d'une ou deux coupoles pour qu'elle te déboussole. Elle devient vite ton monopole dès qu'elle te colle au sol. La street, quand elle t'instille, son style te stimule, t'es l'instupéfiant. Son esthétique t'institue ses stigmates et tu t'estimes confiant. Je l'ai vu tordre du cul au loin, j'ai chopé la barre, elle a dépucelé mon vécu. Sans soin, sans égard, à son bras, j'étais brave, je me sentais fort et précieux. Sans entrave, dans ses draps, j'ai traversé les sept cieux. Et je criais l'amour que j'avais pour elle sur tous les toits, recouvrant les murs de chaque ruelle pour imprimer sa loi. Je la croyais pure, je la croyais vraie, fidèle à son sillon. J'y croyais dur et je me tenais prêt à connaître la son sillon. Persuadé qu'elle me transporterait sur les cimes de la gloire. Mais elle m'en a vite dissuadé, ouais, en secret m'abîme le soir. Se tailler par la fête pour aller faire des rimes pauvres. Et tailler la bavette avec la pire d'épine qu'on comprend la thune. Et tous les prétextes à son accroissement, car qu'il loue la fortune pour chier ses textes et qu'il y croise. Moi, je me suis jamais maqué à elle dans le but d'être plein aux as. Je veux juste matraquer pêle-mêle toutes les putes qui nous passent à l'as. Tous ces riches qui nous salissent, bien installés à leur place. Qui s'érigent en maîtresse, nos destins pris dans la nasse. Au lieu de ça, ma sale chienne croque à tous les râteliers, logés à la même enseigne, crade que la variété. Elle a sucé tellement de queue qu'elle en a avalé sa langue. De sa bouche ne sort plus que du vent à la laine exsangue, mais accro. Je rouvre ma porte chaque matin, tel un velcro je m'accroche, de nous deux qui est la catin. C'est mon proxo, cette praxis, comme Picsou à son pactole. Je suis pas axé, je sais bien que c'est comme se vouloir sous sans alcool, trop sexy. Ouais, j'essaie à tous ces excès, puis la BO de taxi, elle m'obsède, je reste fixé. De 98 à 2016, de Seven à Cernan, elle me tient par la bite et contre ses bzaises à servi, je suis cerné. Elle me malmène, elle me maltraite à heurter mon armure. Pas une semaine sans qu'elle mange des vertes et des pommes mûres. J'en vois toutes les couleurs, ça va même jusqu'au rouge brun. Je veux bien gober toutes ces couleuvres, mais pas de quenelle chien. Elle m'a trompé, elle m'a menti, à l'instar de tant d'autres. S'est estompée dans la polyandrie, partout ma chienne se vautre. Des petits sont nés de toutes ses failles et limite aveuglément. Pourtant, tel un chien de paille, moi je lui colle au train comme un aimant. Cernant ma chienne de rap. Yeah. Ma putain de chienne de rap. Yeah. De 98 à 2016, de Seven à Cernant. Ouais, c'est pas fini, non.